Ça dépend de relation avec l'instruction à travers vous autres. Ça dépend de ça, la facture. Je l'aime bien à soi, cette rencontre. Moi aussi, Ce que vous dites fait partie de votre savoir. Votre savoir est plus ou moins ajusté plus vous devenez conscient. Tandis que ce que vous entendez, ça fait partie de la connaissance. Dans une conversation, c'est important. As-tu remarqué que quand tu parles, tu te questionnes jamais? Tu te questionnes toujours après ce que tu dis. Ça se fait après. Tu te demandes d'où ça vient. Quand tu parles. Tu parles pas quand tu parles. Tu sais, ben non, c'est inquiétant. Quand tu parles, tu parles. T'es d'accord, ça. Suivant ton ajustement. C'est vrai. Fait que si tu parles quelque chose d'intelligent, là, ton égo réfléchit, t'as ce que t'es. Ton égo, il dit, pourquoi tu le fais pas, toi, là? Ou ton égo se questionne sur ce que t'as dit. Parce qu'il doute de ce qu'il dit. Ouais. C'est quand vous parlez que vous êtes dans le savoir, qu'il s'agisse de temps, mais éventuellement, vous êtes dans le savoir. Et quand vous entendez, vous êtes dans la connaissance. Puis vous êtes pas fusionné encore, vous pouvez pas vous fier parfaitement à la connaissance. Quand vous serez fusionné ou quand vous serez réellement proche de la fusion, à ce moment-là, vous saurez si vous comptez des blagues ou non, puis vous les forcerez à vous dire ce qu'il y en est. Je dis qu'en psychanalyse, la seule affaire importante, c'est de parler de ce sujet. Ah! Qu'est-ce qu'ils font, ça? Qu'est-ce qu'ils font en psychanalyse? Le psychologue, c'est ci-là, 25$, puis il fait rien. Le pas mal. C'est ça. Ils ont raison. Exactement. Eh, Seigneur, c'est bon. Non, on se complique toujours par le mystère, puis il y a du mystère, il y a toujours du mystère. T'as assis, le salon en bas. Et on parle du doute. Tandis que, tu sais, le doute, là, c'est simple, pas invisible là-dedans. Quand tu vas te connaître assez bien ton intérieur, tu pourras plus douter de toi-même. Puis quand tu douteras plus de toi-même, t'as franchi le mur, t'es sûr de toi. Puis quand t'as franchi ce mur-là, tu vas faire partie de l'invisible. Parce que l'invisible, il n'y aura plus de barrière. Il n'y a plus rien de qui te fait peur. Il n'y a plus rien là. Tu ne doutes plus de toi, de ton intérieur. C'est vrai, toujours porté. C'est bien mystérieux, puis il y a toujours des personnages dans l'invisible, puis il y a toujours aussi. Mais avant de voir l'invisible dans le terre, c'est quand tu te connais, puis t'es sûr que t'as plus peur, les gens de l'invisible de d'autres dimensions, de d'autres mondes, ils vont s'approcher, puis tu vas dire... Tu vas dialoguer, puis ça marche pas, ça. Exactement. C'est même que ça marche. L'invisible, mais ça demande, la progression vers l'invisible, la progression vers les autres plans, nécessite toujours une préparation, puis quand t'es arrivé à la fin de la préparation, c'est automatique. Ouais. C'est automatique. Quand t'arrives à 5 heures le matin, le soleil se lève. C'est automatique. Et 5 heures du matin, le soleil. Il se lève pas à 3 heures, le soleil. Parce que tu veux. Quand il arrive à 5 heures, il se lève, c'est la même chose. Quoi? La soleil. Quand je fais un avion. Vous l'avez-tu fait? Moi, ça va être super. C'est un export, la dernière conférence que David Bernard, on a fait tout là. On se passe dans votre question, on a mis là. Parce qu'il y a beaucoup plus de douceur parce qu'on comprend vibratoirement, plus facilement, ça coule. Ouais. Alors qu'avant, c'était, on se sentait heurté. Ouais. Tandis que là, ça, ouais, ça a changé de niveau, ouais, cette fois-là. Ouais. C'est même plaisant pour moi aussi. Ah, ben oui. C'était doux, là, c'était pas. Ouais. Maintenant, le symbolique, ça va être le symbolique du chiffre, nous, parce que vous avez dit l'autre jour, j'ai initié 12 personnes. Le Nazaréen avait 12 apôtres. J'ai été voir le film cette semaine, Rencontre du troisième type, qui dit ça, c'est des zèbres. Il dit, ça lui a donné, il est venu 12 personnes, par le temps de l'homme. Par exemple, ils sont venus voir, ils savent pas, ils ont suivi

C'est rudimentaire à l'intérieur. Les machines sont très avancées, mais c'est comme une grotte pour voir, tu sais, les murs. D'ailleurs, moi, vous dire une chose que vous allez trouver drôle. Plus les êtres sont évolués, plus ils sont rudimentaires. Ah oui, c'est juste la machine. C'est vrai, quand tu disais, là, tantôt, quand tu dis, ils s'occupent du déplacement, il n'y a pas de temps, donc c'est silencieux, ça s'en va, puis ils ont passé la vitesse de la lumière, tu sais. Ah, c'est arrêté. Plus comme un aide, sont évolués, plus sont rudimentaires. Comme un... Oui, ça. C'est pour ça que... C'est pour ça que l'homme... Dans l'évolution de l'homme, parce que l'homme va être très, très avancé. Mais l'homme est très beau. Quand je dis que l'homme est beau, je veux pas dire que l'homme est beau parce qu'on est des hommes et qu'on prêche pour notre paroisse. L'homme est très beau, puis si tu regardes ton écran mental, la vibration d'un être humain, là, tu vois qu'elle est très haute, la vibration. Oui, elle est. Oui. L'homme est. Son tour, là. Ouais. L'homme est très beau. Très, comment, voyons. Pas lumineux, parce que c'est pas bien, c'est lumineux. Mais c'est qui crée la beauté? Ce qui est à la base de la création de la beauté de l'homme, c'est son corps astral. Ouais. C'est à cause de son corps astral que l'homme est si beau. Tu comprends que le corps astral, il sert de l'autre côté aussi. C'est que le corps astral, c'est un siège d'émotion. Mmh. Ça, c'est pas bon. Parce qu'éventuellement, l'homme a la chienne. L'homme a peur. Fait que, c'est un couteau à deux tranchants. L'homme, il est beau à cause de son corps astral. Puis, il a peur à cause de son corps astral. Fait que, pour que l'homme entre en contact avec des êtres qui sont très avancés, mais qui sont pas regardables, il faut que son corps astral soit transmis en énergie mentale. Faut pas qu'il y ait d'émotion. Ben non. C'est drôle que je regarde tout, mais il faut. Faut pas dire que j'ai peur, parce que. C'est chaud, je m'attends à ça, là. Et comment je dirais bien ça, ceci? Je suis pas surprise, je le vois. Moi, Il faut pas être bizarre, ils vont rien nous envier, c'est son supérieur. T'as déjà dit ça dans une conférence, que c'est, les extraterrestres nous envient notre beauté. Ouais. Pourquoi ils n'ont rien envie, ils sont sur un plan supérieur? Ils nous envient parce qu'ils savent qu'on a été créés parfaits. Ça, c'est une clé. Ah. Et qu'on doit y retourner. Eux autres n'ont pas été créés parfaits. Ils ont pas été créés parfaits, mais ils ont été créés avec un poids d'évolution mentale supérieur à nous autres. Comment t'as dit ça? C'est comme si nous autres, là. Ça a été bien long, notre affaire. Pour arriver à. Tandis que ça a été bien vite. Relativement parlant, pour arriver à. L'homme a été créé parfait. Mais il a perdu sa perfection, il va retourner à la perfection. Tandis que autres n'ont pas été créés parfaits. Ils ont été développés. Seulement, ils ont été créés avec une patate de la trois. De l'homme, c'est pas juste la réunion. Il n'y a pas ça, il n'y a pas les exercices de la laisse, ils ont envie. Même les morts, ils ont envie. Quoi? Non. Ben oui. Les égaux. Les égaux morts. Quand tu parles de l'homme, tu parles juste des hommes de la terre. Ouais. Les hommes de terre. Ouais. L'homme de terre. C'est tellement vrai, ça, que si tu retournes dans le temps où Vénus était gazeux. Tu regardes l'homme, tu vas voir que l'homme a la grandeur au niveau de toute la composition atomique de l'humanité, des formes. Il a la grandeur à peu près de tout le diamètre de Vénus. L'homme au début, là, quand ils ont créé l'homme, ils n'ont pas créé bien du monde. Ils ont créé une forme universelle. La forme universelle de l'homme est quasiment le diamètre de la planète de Vénus. Quand t'as voir ça, dans ton écran mental? C'est ça que j'ai voulu t'expliquer tout à l'heure, j'arrivais pas à faire les mots. Ah, oh, c'est ça. C'est une couleur, ça, hein, pas ça? C'est une couleur. En fonction du règne qui existait à ce moment-là, végétal, le gazon vert, le corps était en harmonie avec, il n'y avait pas la couleur. C'est drôle, je l'ai vu grand, mais comme rose. Ben, il dit rose, ben, il dit rose. Je pleure parce que c'est bon. Mais tu vois qu'il est immense. Ouais, ben oui, parce que je vois le bloc, puis il est plus grand. Mais je veux pas rentrer là-dedans, tu t'en vas. C'est parce que tu fais quoi? T'es excellent, tu fais juste nous piquer la curiosité, tu fais l'impression. Non, je vous parle pour vous faire comprendre un petit peu les mystères de l'humanité, ouais. Mais je vous en parle pas trop pour que vous embarquiez dedans. Des choses qu'on ne peut pas comprendre, mais la peine de bon cœur, parce que c'est la vérité. De bon cœur, parce que c'est la vérité. Te souviens-tu la définition du grand mystère, Bernard? Des choses qu'on ne peut pas comprendre, mais que nous devons croire, parce que c'est une vérité. Parce qu'il nous a été révélé. Imagine-toi. Quand vous me demandez des questions, là, puis je suis pas capable de vous répondre, attendez. Oui, pourquoi la question nous revient? Demandez-les donc. Attendez. Vous comprenez? Quand je vous réponds pas, c'est pas parce que je peux pas vous répondre. Parce qu'il y a des raisons. Si je vous répondais à toutes vos questions, là, si vous prendrez tout d'un mystère, il y aurait tellement d'énergie dans votre esprit, dans votre intellect, là, que ça retarderait le travail de vos demandeurs. Ouais. Je le fais, hein, pour, Mais d'abord, de toute façon, quand bien que tu répondrais à la question à madame, ça change la vie. Ça change absolument rien. Absolument rien. C'est une connaissance de plus. D'ailleurs, la seule raison pour laquelle je dévoile les mystères, c'est pour vous faire comprendre qu'on sait rien. Puis que tout ce qu'on a appris, c'est pas ça. Oui, tu es dur, qu'est-ce qu'on fait? C'est la seule raison, de faire. Ouais. Pour vous faire comprendre qu'il y a une séparation totale entre la réalité puis le mensonge cosmique. Tout ce qui nous a été... As-tu remarqué que quand on parlait de l'homme, la grandeur de l'homme, il y a une vibration? Ouais. Tu sais, il y a une vibration? C'est ce qu'ils m'ont dit en fonction. Ouais. Ils m'ont dit que le corps aussi qui a voulu s'expliquer, c'est que c'est le tout. C'est sa grandeur, c'est le tout qui revient au tout. C'est ça. Ça me prend toujours un recul, moi, tu sais, pour... Ouais. Je suis pas sûr. Ah ouais. Mais je comprends. Il y a une chose que je vais vous dire, ça c'est bien important. Quand je vous dis quelque chose, il faut toujours que vous essayiez de le comprendre par eux autres. Ce que tu fais, toi, là, naturellement. Quand je vous dis quelque chose, puis que vous comprenez pas, que vous avez besoin d'explication, demandez-les à eux autres, qu'eux autres vous l'expliquent à votre niveau pour vous autres. Ah, mais là, si j'y réponds pas. À ce moment-là, il n'y a rien à faire. Moi, c'est riche. Tu restes sur ta balle. Wow. C'est parce que, on voit pas ça que, il me disait ce qu'il disait dans le ventre, dans le saut, il dit morceau. Petit morceau. Mais il y en a qui ont la faculté de, si je dis quelque chose, c'est tout. Tu sais, il y a une communication verticale qui se fait, ça, c'est bon. C'est parce que les centres sont pas ouverts. C'est parce qu'ils les ont fermés. Parce que c'est pas le temps. La conscience doit rester dans l'esprit. C'est comme ça que je l'ai dit. La conscience doit rester dans l'esprit. Ou la conscience doit rester dans l'esprit. Mais ça me semble, c'est pas comme ça que je l'ai dit. Non, pas. C'est une cassette, ça? Non. La conscience s'arrête dans l'esprit. Si vous changez moindrement un mot, si vous changez moindrement un mot, quand vous dites que j'ai dit ça, à ce moment-là, je le comprends pas. Parce que la vibration est plus pareille. Ça doit rester un. Mais ça, je parle de ça. Je l'aurais pas expliqué de mal. Ouais, ça me... Tu l'as peut-être dit, puis c'est pas ça que tu veux dire. Allez, je pourrais le reconnaître. Quand je dis quelque chose, je peux le reconnaître. Mais si vous changez trop un mot, je peux plus le reconnaître après vibratoirement. Fait qu'à ce moment-là, ça me... Tu sais... J'ai des grandes limitations. Parce que j'ai des grandes possibilités, tu sais. Plus t'as des grandes possibilités, plus t'as des grandes limitations. Pis si on vivra droit, c'est une limitation. Ouais, je m'en fous, je m'en lave. Bon, bon. Ça va qui? 3 ans. Avant, j'arrive à Sainte-Marguerite. Je me demandais tout à l'heure, comment est-ce que tu fais pour tenir un col fermé comme ça pendant des heures parmi nous autres, il n'y en a presque aucun. C'est pas souffrant, c'est pas fatigant, non? C'est bien pour toi. Ça fait partie de toujours la domination de l'esprit sur la matière. Parce que l'astral, lui, il veut prendre saisie. Dans l'esprit, la volonté veut toujours dominer la matière. Donc ça se manifeste dans le Vedma aussi. C'est le respect pour le monde. Une bonne... Des fois, je vais le descendre un petit peu, mais pas trop longtemps. Puis c'est déjà une tension. Mais là, il faut remonter. Le respect. Ça fait partie de la conscience. Ouais, ça. Tu respectes le monde à qui tu parles. Les gens conscients respectent. Ouais, mais on va se sauver. Ça a l'air que le téléphone est fermé. Mais j'ai aimé ça, c'était intéressant. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas. Oui, c'est ça.